explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ? Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ? Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. Tout le monde a entendu parler du cataclysme qui a provoqué la disparition de près de 70% des espèces qui peuplaient la Terre il y a 66 millions d'années, mettant fin au règne des dinosaures. Cette grande crise d'extinction n'était pas la première. Notre planète en avait vu passer d'autres avant celle-ci, et des plus terribles encore. À plusieurs reprises, la biodiversité s'est effondrée à la surface du globe pour des raisons qui n'étaient pas toujours les mêmes. Les espèces survivantes ont évolué, se sont diversifiées, recolonisant petit à petit toutes les niches écologiques laissées vacantes. Que savent les scientifiques de ces écosystèmes disparus ? Leurs investigations ont-elles permis de reconstituer les scénarios qui ont abouti à ces hécatombes planétaires ? Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un grand voyage à travers le temps, à la découverte des crises d'extinction qui ont rebattu les cartes du vivant sur Terre et qui ont permis l'émergence de nouvelles espèces, dont la nôtre. L'exploration scientifique, y a rien de plus lyrique, on étudie la vie de manière empirique. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Jean-Sébastien Steyer. Bonjour. Vous êtes paléontologue au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous êtes l'un des auteurs du livre « Les mondes perdus », une coédition Glénat Arte. Vous allez donc nous emmener à la découverte de ces mondes perdus, ces écosystèmes que des crises d'extinction ont fait disparaître à jamais de la surface du globe. Les auditeurs peuvent vous adresser une question sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un bivouac. À 17h, nous partirons sur la piste du loup dans une vallée perdue des Alpes, avec le cinéaste voyageur Jean-Michel Bertrand. Voilà pour les étapes du jour. Cette émission est réalisée par Marion Lelay. Elle a été préparée par Juliette Soudarin et Sophie Vaux. On n'est pas foutu, Buck. C'était seulement une pluie de météorites et la verse est passée. Alors là, tu te fourres le doigt dans la trompe. Ce n'est que le commencement. Car vois-tu, j'ai découvert une prophétie. J'ai lu cette tablette de long en large, et l'histoire qu'elle raconte est particulièrement troublante. Tous les 100 millions d'années à peu près, l'univers fait un grand nettoyage cosmique. Bien avant les dinosaures, la Terre grouillait de ces espèces de choses en forme de crabe. Jusqu'au jour où, au pied de cette chaîne de montagnes, s'écrasa un astéroïde. Boum ! Bye bye ! Suivant ! Dinosaures, la chaîne de montagnes, un astéroïde. Boum ! Bye bye ! Et prochainement, les mammifères, la chaîne de montagnes, l'astéroïde. Boum ! Bye bye ! Et notre invité me dit, il faut que je revoie mes classiques. C'était l'âge de glace. Voilà une présentation assez approximative, il est vrai, de la succession de crises d'extinction survenues dans l'histoire de la Terre. Jean-Sébastien Steyer, quand on parle d'extinction massive, on pense à celle qui a fait disparaître la plupart des dinosaures. Mais il y en a eu d'autres avant, et pas des moindres. Oui, tout à fait. Avant l'extinction des dinosaures non aviens, puisque vous l'avez bien dit, en fait, certains dinosaures subsistent et se portent très bien. Aujourd'hui, ce sont les oiseaux. Avant, donc, il y a 250 millions d'années environ, il y a eu une catastrophe beaucoup plus importante en termes de taux d'extinction, puisqu'on est à 90% d'extinction d'espèces. Alors là, on parle de toute espèce confondue, végétation, animale, microbienne, quand on dit 90%? Oui, toute espèce confondue, et ces 90% viennent surtout d'un registre fossile des mers et des océans de l'époque. Alors ça, c'est la plus importante de ces crises, on aura l'occasion d'y revenir. Combien de crises d'extinction en tout sont connues des scientifiques aujourd'hui? Alors 7, en fait, avec celle-ci qui nous arrive en pleine face aujourd'hui. On parle de la 6e extinction, mais en fait c'est faux. On oublie souvent la numéro 1, qui est très très ancienne, puisqu'il y a, ça se passe en fait il y a 2,4 milliards années. Et c'est une crise, en fait, sans précédent non plus, qui a impacté beaucoup de micro-organismes à l'époque. Pour qu'on parle de crise d'extinction, c'est quoi les critères? Il faut que 70% des espèces disparaissent, que ça se passe en un temps très bref. Comment on définit ça? C'est ça. En fait, il y a deux grands critères pour que l'on puisse, nous, paléontologues, définir une extinction à l'échelle des temps géologiques. Il faut qu'un événement drastique se passe on va dire, à moins d'un million d'années en durée. Ouais, et c'est ça. Puis rapide pour les paléontologues, c'est un million d'années. Ça reste. Voilà, ça peut être encore plus rapide d'après certains modèles et certaines estimations. Des changements climatiques globaux peuvent s'effectuer en quelques années, ouais, voire en quelques mois. Il y a eu des crises qui se sont produites en quelques mois. Apparemment, ça serait le cas justement de la crise qu'on appelle KT, qui a moins 66 millions d'années, celle qui a frappé de plein fouet les dinosaures. D'après certains modèles paléoclimatiques, on aurait un changement, en tout cas de l'environnement, en quelques mois. Oui, là, effectivement, c'est effectivement très soudain et très bref. Alors, revenons à la première, celle que souvent on oublie. Hein. On parle souvent de 6 crises d'extinction, mais vous en ciblez une bien plus antérieure encore, 2,4 milliards d'années en arrière. À ce moment-là, la vie sur Terre ressemble à quoi? Alors, à pas grand-chose, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, il y a presque rien sur Terre. Il y a des micro-organismes, en fait, dans les océans, dans les mers et un petit peu sur les côtes, mais c'est tout. Il n'y a pas encore de plantes connues, en tout cas, encore moins d'animaux terrestres. Et donc, la vie était limitée, entre guillemets, à des micro-organismes assez foisonnants, par contre, aussi bien anaérobiques, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent par fermentation, que aérobiques, c'est-à-dire par photosynthèse. Ce sont des, faut les voir comme des bactéries ou c'est un peu c'est autre ça. Chose? Oui, ce sont, oui, des, oui, ce sont des bactéries qu'on appelle des cyanobactéries, qui en fait se développaient très bien dans les océans, qui utiliser le CO2 de l'époque pour construire en fait leurs briques, hein, leurs protéines, leurs lipides, etc. Et elles recrachaient un petit peu de CO2 qui précipitait dans les océans sous la forme de fer, de rouille. Alors, qu'est-ce qu'il faut imaginer qu'il leur est arrivé à ces petites bêtes, à ces petites bactéries, pour qu'elles disparaissent là en grand nombre, hein. Beaucoup d'espèces de ces petites bactéries ont disparu il y a 2,4 milliards d'années. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un moment, ces bactéries étaient tellement florissantes que le fer, l'oxygène en fait d'abord dégazé dans les océans qui se précipitait avec le fer, l'oxygène a été complètement absorbé, si vous voulez, par ces mêmes océans et a commencé à diffuser dans l'eau. Et cet oxygène-là, pour ses formes principalement anaérobiques, était un poison. Donc on observe en fait une baisse drastique de la diversité de ces bactéries-là. Et les autres bactéries un petit peu marginales qui, elles, utilisaient la photosynthèse, ont profité de cette extinction assez majeure dans le monde bactérien pour se développer et se diversifier par la suite. Autrement dit, ces bactéries se sont tiré une balle dans le pied qu'elles n'avaient pas, hein, puisque c'était des bactéries, mais ce sont leurs propres dégagements. Cet oxygène, c'est elles qui le produisaient, mais au bout d'un moment, elles en ont produit tellement qu'elles se sont asphyxiées parce que ce n'était pas de cet oxygène qu'elles se nourrissaient. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et ça a donné la place, et ça c'est la leçon à retenir sur toutes ces grandes crises d'extinction, c'est que quand certains êtres vivants disparaissent, d'autres en profitent pour se déployer. Et là, ce sont les bactéries photosynthétiques qui prennent toute la place. Dans ce cas-là, oui, ce sont les bactéries photosynthétiques qui, heureusement pour nous, sont encore là, sinon on ne serait pas là et le monde entier ne serait pas là, les autres espèces bien sûr ne seraient pas là pour en discuter par exemple. Ouais, ça. À chaque crise finalement il y a eu le malheur des uns a fait le bonheur des autres. Comment on le sait ça? Parce que autant pour les dinosaures on a des fossiles, hein, on a des ossements et puis c'était finalement relativement récent, 66 millions d'années, autant là on remonte à 2,4 milliards d'années, donc on est vraiment à une échelle de temps bien antérieur, et un squelette de bactéries, a priori, ça n'existe pas. Alors, on a des bactéries fossiles, comment on sait ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, on a deux indices en paléontologie. Le premier, ce sont ces espèces d'encroûtements bactériens. Alors, bien sûr, la matière organique disparaît, a disparu à l'état fossile, mais on a ce qu'on appelle des stromatolites, c'est-à-dire des espèces de sandwich de tapis algaires, de tapis bactériens, et puis de sédiments qui sont encore préservés dans les strates, dans les roches sédimentaires. Et puis l'autre trace de ces bactéries très anciennes, ce sont justement ce qu'on appelle BIF en anglais. Les collègues géologues anglo-saxons appellent ça des banded iron formations, c'est-à-dire des formations, des strates complètes de rouille. Littéralement, c'est la formation rubanée de fer que l'on observe en fait dans les sédiments, dans les roches, et qui sont le témoignage direct de ces bactéries de l'époque. Alors, on fait un bond dans le temps après cette première crise qui a touché donc des micro-organismes. On arrive alors là plus proche, 400 millions d'années. Nouvelle crise d'extinction. Il y en a deux assez rapprochées, 400 millions d'années et 370 millions d'années. Qu'est-ce qui se passe sur Terre à ce moment-là? Alors, à cette époque-là, il y avait encore beaucoup d'organismes marins, beaucoup d'organismes océaniques, des espèces de coraux, des espèces de coquillages au sens très large. On a donc déjà des êtres multicellulaires, des êtres macroscopiques à la surface du globe. La biodiversité s'est étoffée et s'est complexifiée. Tout à fait. Et ce sont des êtres visibles. Et d'ailleurs, c'est une période qu'on nomme, nous aussi géologues, le phanérozoïque, c'est-à-dire l'ère où la vie commence à se voir parce qu'elle est complexifiée et elle est macroscopique surtout. Alors, qu'est-ce qui leur arrive à ces pauvres bêtes? Alors, on observe dans les deux cas, grosso modo, des variations drastiques du niveau des mers et des océans. Et toutes ces formes de vie qui foisonnaient à l'époque au niveau des côtes, sont impactés directement aussi par ces variations qu'on appelle l'eustatisme, c'est-à-dire des variations plus ou moins régulières ou plus ou moins drastiques du niveau de l'eau. Alors, c'est intéressant, parce que la première, c'était le changement de composition de l'atmosphère, ou en tout cas de l'oxygène dans l'eau. Maintenant, c'est le niveau des mers qui change et qui a un impact assez important. C'est bon à savoir, d'avoir quand même dans un coin de la tête que ce genre de perturbation peut avoir des conséquences lourdes sur les êtres vivants qui peuplent la planète. Puis, après ces trois premières crises que nous venons d'évoquer, va survenir la crise la plus importante que le vivant ait eu à traverser. Vous allez nous raconter, Jean-Sébastien Steyer, ce qui s'est passé dans un instant. Et les questions des auditeurs commencent déjà à arriver pour vous sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. Me and my girl, we got this relationship. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me C'était Down Time, Lana Del Rey sur France Inter, dans le temps d'un bivouac. L'arthrope leura ressemblait à un mille-pattes actuel, mais il n'a plus d'équivalent dans la nature. Cet animal pouvait atteindre 3 mètres et rampait au sol ou dans les arbres à la recherche de nourriture. Au début du Permien, il y a 290 millions d'années, la vie dans les forêts équatoriales n'est pas très différente de celle du Carbonifère. L'arthrope le rat trouve encore assez d'oxygène pour affronter d'autres animaux de grande taille, comme un Eriops. Cet amphibien l'a repéré grâce aux cellules de sa peau qui lui permettent de détecter les vibrations du tronc. Les arthropes le rat a l'avantage d'une centaine de pattes articulées, dont les griffes agrippent bien l'écorce. Et surtout, une carapace qui le protège des agresseurs. C'est un extrait de la série Les Mondes Perdus, diffusée sur Arte, et dont votre livre, Jean-Sébastien Steyer, en tout cas vous êtes l'un des auteurs de ce livre, est tiré. Alors là, un mille-pattes géant qui a vécu sur Terre il y a plus de 290 millions d'années. Aucune espèce animale aujourd'hui ne descend directement de cet animal. Il fait partie de ces mondes qui ont totalement disparu. Nous sommes avant même l'apparition des dinosaures, quand on parle de moins de 290 millions d'années. Alors, quel genre de bestioles on croisait à la surface du globe à ce moment-là, Jean-Sébastien Steyer? On croisait des espèces très fantastiques dans le sens où elles étaient assez grandes en ce qui concerne ce qu'on appelle les arthropodes. Ouais. Et puis, pas que, puisqu'on avait des salamandres géantes de plusieurs mètres de long, on avait des reptiles cornus ou bossus qui étaient herbivores, qui effectuaient de grandes migrations sur cette terre de l'époque, qui était uniquement composé d'un seul méga bloc, un méga continent qu'on appelle la Pangée. Et sur cette Pangée régnaient différents types de climats, de plus en plus chauds quand même jusqu'à la fin du Permien. On passe au début du Permien à un climat assez tropical humide, généralisé, on va dire, jusqu'à une fragmentation des climats vers un climat de plus en plus continental, parce que Pangée oblige, et donc on a des formes de vie assez surprenantes. Des libellules géantes, par exemple, à cette période-là, elles faisaient quelle taille, ces libellules? À peu près 40 cm d'envergure. Ouais. On a des traces, là encore, elles se sont fossilisées, vraiment, on arrive à avoir une image assez précise de ce qu'elles étaient, ces libellules, et tous ces animaux complètement disparus aujourd'hui? Oui, c'est grâce aux fossiles, en fait, qui sont des restes organiques d'espèces que l'on peut reconstituer ces mondes perdus en mélangeant toutes les données. Non seulement paléontologiques, c'est-à-dire relatives essentiellement aux animaux, mais aussi paléobotaniques, avec les plantes, qui livrent beaucoup d'informations sur les climats. Mmh. Et puis sédimentaires, grâce aux collègues géologues spécialisés dans l'étude de sédiments, on sait quel type de paysage on pouvait voir en fait à l'époque. Ouais, et donc on l'a compris, la vie est bien diversifiée et foisonnante. Quand il y a 252 millions d'années, survient la plus grande crise d'extinction que la Terre ait connue. 90% des espèces vont disparaître. C'est ce qui va provoquer cette hécatombe. Tous les scientifiques ne sont pas encore tout à fait d'accord à ce sujet. Je vous propose d'écouter la thèse de Michael Rampino, géologue à l'Université de New York. Là, c'est la limite Permien-Trias. Les roches permiennes sont au-dessous de nous et les roches triasiques sont au-dessus. Et là, c'est la limite de l'extinction de masse. Ce qu'on essaie de faire, c'est de déterminer en combien de temps les sédiments correspondant à la période de l'extinction se sont déposés. On peut donc en déduire que l'extinction de masse s'est produite de façon incroyablement rapide, en moins de 10 000 ans, et peut-être même de façon instantanée. Ce qui signifie qu'elle a eu un caractère catastrophique. Une extinction de masse qui se produit en moins de 10 000 ans, c'est très rapide. Ça colle bien avec l'idée d'une grosse collision à la fin du Permien. Alors, 10 000 ans déjà sur la durée de cette crise, vous êtes d'accord, Jean-Sébastien Steyer? 10 000 ans, ça me paraît, une bonne approximation. On est de toute façon aux alentours de 10 000, 100 000 ans environ. Ouais. Alors, il fait référence à un impact météoritique. Est-ce que c'est la seule hypothèse qui explique cette extinction catastrophique? Alors non, ça serait pas la seule, parce que alors l'impact météoritique, pour l'instant, c'est une hypothèse de travail. Donc on y travaille effectivement, et on a deux cratères d'impact candidats pour illustrer en fait cet éventuel impact. Ils se trouvent où ? Alors il y en a un qui se trouve en Antarctique et l'autre au large de l'Australie. Ils sont complètement recouverts de sédiments et d'autres types de roches, donc ils ont été pour l'instant détectés. Ce sont des objets qui ont été détectés par radiographie terrestre, si vous voulez, c'est-à-dire une sorte de on envoie des ondes sonores et on regarde comment ces ondes nous reviennent pour mieux étudier la structure en fait de la croûte terrestre. Une sorte d'échographie de la surface du globe. Alors on a à peu près visualisé, c'est des cratères qui ont un diamètre de quelle taille ? Environ 200 kilomètres. 200 kilomètres de diamètre. Ça voudrait dire que ce sont des météorites de quelle taille qui ont frappé la Terre à ce moment-là ? Au moins 20 kilomètres de diamètre, ce qui fait à peu près le double de la météorite à l'origine de l'extinction des dinosaures. On met les oiseaux de côté, mais on est à peu près dans un ordre de grandeur double par rapport à la crise Crétacé-Tertiaire. Mais donc l'hypothèse paraît fortement étayée et crédible. Alors, pour l'instant, ce sont des objets coniques observés, en fait, grâce à cette espèce de radiographie de la croûte terrestre. Mais c'est encore très discuté parce qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore sondé pour extraire et échantillonner surtout et analyser la roche à l'intérieur de ces cratères-là. Donc on ne sait pas vraiment s'il s'agit de cratères d'impact ou de cratères volcaniques. Ah, donc l'autre hypothèse, ça pourrait être deux gigantesques éruptions volcaniques. Mais qu'est-ce qui aurait provoqué de telles éruptions volcaniques ? Alors ce sont plus que des hypothèses, puisque les roches volcaniques d'environ 252 millions d'années sont connues et observées en fait en Sibérie d'une part et en Chine d'autre part. On parle de TRAPS. TRAPS est un nom, je crois, scandinave qui veut dire escalier ou marche d'escalier, parce que ces épanchements volcaniques de l'époque étaient tellement grands que dans le paysage, ils constituent de sortes d'escaliers géants. Alors, il faut imaginer à ce moment-là des coulées de lave gigantesques d'une épaisseur de plusieurs kilomètres d'épaisseur sur des surfaces atteignant la France. C'est ça, on est dans un volcanisme tout à fait gigantesque par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui à la surface du globe. Oui, tout à fait. En fait, on parle de points chauds, c'est-à-dire d'émergence de magma à des points assez localisés finalement, qui constituent en fait d'énormes épanchements volcaniques en surface et qui modifient considérablement en fait la composition atmosphérique à cause des cendres volcaniques. Mais qu'est-ce qui a provoqué alors ces éruptions un peu à différents endroits de la planète, si ce n'est pas une chute météoritique? Il a bien fallu qu'on la secoue, notre planète, pour qu'elle se mette tout d'un coup à entrer en ébullition comme ça. Alors, à notre échelle à nous, on le voit bien, quand un volcan islandais pète un coup, si je puis dire, on a une paralysie de tout le réseau aérien pendant quelques mois. Ouais. Là, imaginez en fait des méga-volcans qui crachent à peu près en même temps des quantités phénoménales effectivement de lave. C'est comme si, je crois, le territoire français était recouvert de lave sur plusieurs kilomètres d'épaisseur. Ouais. Et là, on a beaucoup d'épanchements volcaniques d'une part, mais aussi beaucoup de dégazage, de soufre, de cendres volcaniques qui se répartissent dans le ciel, dans l'atmosphère, et qui vont obscurcir en fait l'atmosphère. Mais ça, ce sont les conséquences de ces éruptions. Là, je vous interrogeais plutôt sur la cause. Pourquoi ces éruptions surviennent-elles à ce moment-là ? On parle de points chauds, c'est-à-dire de remontées périodiques, enfin pas forcément périodiques, mais on observe en fait ces remontées magmatiques plusieurs fois au cours des temps géologiques. D'accord. Ça a été le cas aussi pour l'extinction des dinosaures non aviens. Mais ça pourrait se reproduire, par exemple, une activité volcanique gigantesque, tout d'un coup, la lave qui sort de façon incontrôlable, ça pourrait revenir. Oui, tout à fait. Alors, on aurait des signes précurseurs, bien sûr, de séismes, de tsunamis, de mouvements considérables de la croûte terrestre. Mais ce sont des phénomènes géologiques globaux qui, finalement, illustrent à eux-mêmes l'histoire de la Terre. Ouais. Alors, vous étiez en train de nous dire un peu les conséquences. On les imagine déjà à proximité directe. On imagine qu'il n'y a pas beaucoup de rescapés quand il y a plusieurs kilomètres de lave à la surface du sol. Mais en plus, ce dégazage et puis ces poussières dans l'atmosphère, il faut qu'on arrive dans une ère sombre, finalement. Toutes les plantes n'ont plus de soleil et meurent. C'est ça. On a un arrêt momentané de la photosynthèse, aussi bien dans les océans, le plancton est impacté que sur les continents, tout ce qui est écosystème forestier. Et on a ensuite une réaction en chaîne qui s'effectue dans les niches, dans les chaînes écotrophiques, c'est-à-dire les chaînes alimentaires. Ouais. Ce qui est surprenant finalement, c'est pas que 90% des espèces aient disparu, c'est que 10% aient survécu. Oui. Comment elles ont survécu ce 10% d'espèces? Où étaient-ils pendant le cataclysme? Alors, on s'est pas trop encore expliqué comment certaines espèces survivent à des extinctions et pas d'autres. On pense qu'il y a l'effet du hasard, bien sûr, il y a l'effet d'occuper certaines niches écologiques très précises. Je pense aux crocodiles pour l'extinction cathée, on pourra en reparler. En général, les espèces survivantes sont déjà plus ou moins développées avant, mais elles n'occupent pas le devant de la scène. En fait, ce ne sont pas les acteurs principaux, si vous voulez. Ouais. Et vu que le climat global et les écosystèmes globaux sont impactés en premier, ce sont ceux qui sont sur le devant de la scène qui en prennent un coup d'abord. Ce sont les premiers rôles qui disparaissent et ça donne la chance au second rôle. Et parmi les seconds rôles, il y a les ancêtres des dinosaures. Après cette crise-là, ils vont pouvoir commencer à se diversifier. C'est ça. On a certains reptiles qui se transforme assez rapidement d'ailleurs à partir du Trias, donc après cette grande extinction. On a quand même des survivants, 10%, c'est très peu, c'est comme si finalement la vie a bien failli disparaître totalement cette époque-là. Mais le petit pourcentage résiduel repeuple, si je puis dire, ou se rediversifie rapidement, y compris ces reptiles qui donneront un peu plus tard naissance aux dinosaures. Ouais. Et d'ailleurs, il va y avoir encore une autre crise, il y a 200 millions d'années, qui, au lieu d'enterrer les dinosaures naissants, au contraire, va donner un coup de fouet, et ils vont encore plus prospérer après cette deuxième crise. Les premières crises d'extinction ont profité aux dinosaures. Oui, tout à fait. En fait, sans cette grande crise, peut-être que le groupe ancestral des dinosaures n'a pas pu exister d'une part, et puis grâce à cette deuxième crise à la fin du Trias à moins 200 millions d'années, les dinosaures qu'on appelle des archosaures étaient ou archosauriformes étaient tellement développés que les dinosaures en ont profité, puisque en fait la plupart s'éteignent à cette époque-là, sauf les dinosaures qui se portent très bien par la suite au Jurassique et au Crétacé. Mais la roue va finir par tourner pour les dinosaures, on le sait. Nous allons revenir sur la crise qui les a terrassés. Vous écoutez Le Temps d'un Bivouac avec Jean-Sébastien Steyer sur France Inter. On s'habitue à tout, aux colonnes de Buren, à Duchamp, sa fontaine, aux coups de boule de Zizou, aux voix dans l'autotune, à nos villes qu'on enfume, à nos vilaines tout. On s'habitue à tout, voir vieillir ses parents, voir élus des tyrans, aux voix qui amadouent, à se méfier de ce qu'on mange, à se méfier des gueules d'ange, à plus se méfier du tout. On s'habitue à tout, mais ne plus dire je t'aime, s'en remettons quand même, ce passe-t-on de mots doux. On s'habitue à tout, mais pour l'amour qui part, les amoureux agarrent, s'en remettre au vaudou. S'en remettre au vaudou. On s'habitue à tout, à notre Eldorado, aux poumons remplis d'eau, aux urnes remplies de boue, au 21 avril, au réveil difficile et à celui des loups. On s'habitue à tout, au bruit de pas du dessus, à vivre un peu déçu, à vivre de peu de sous, à faire un peu l'autruche sans remettre les bûches qui font battre le pouls. On s'habitue, c'est tout, à faire sa petite danse javanaise de l'absence, et j'en bave pas vous, mais on s'habitue à tout. On s'habitue à tout, mais ne plus dire je t'aime, s'en remettre ce baston de mots doux. On s'habitue à tout, mais pour l'amour qui part, les amoureux hagards s'en remettent au vaudou. S'en remettent au vaudou. S'en remettent au vaudou. C'était On s'habitue à tout de Renan Luce. Mais tout est clair. La création du monde, le cosmos. Il faut absolument que le monde sache que... Daniel Fievé sur France Inter. On s'intéresse aux grandes crises d'extinction qui ont impacté la biodiversité sur notre planète à plusieurs reprises dans son histoire avec le paléontologue Jean-Sébastien Steyer cet après-midi. Et nous allons plus particulièrement nous intéresser à présent à la crise d'extinction massive à laquelle ont eu à faire face les dinosaures. Mais avant, un petit détour par un chantier de fouilles non loin de Cruzy, petit village de l'Hérault. Éric Buffetot, paléontologue au CNRS et au laboratoire de géologie de l'ENS, mène chaque été des fouilles avec son équipe depuis plus de 10 ans sur le site de Montplot. À cet endroit, il y a 72 millions d'années, vivaient des crocodiles, des tortues aquatiques ou encore des dinosaures. Plusieurs milliers de fossiles ont déjà été découverts. Sous un soleil de plomb, nous descendons un chemin de terre rouge pour partir à la rencontre du chercheur avec Anne-Cécile Perrin. C'est un reportage en partenariat avec CNRS Le Journal. Alors ce site, il a été trouvé un peu de façon accidentelle par le viticulteur qui exploitait cette vigne et qui a remarqué que certains gros cailloux dans son champ n'étaient pas des cailloux mais des os qu'on a identifiés comme des ossements de dinosaures. Ensuite, on a fait une première fouille pour vérifier que ça avait un intérêt, qu'il n'y avait pas simplement un os isolé, et ça s'est révélé correct puisqu'on a trouvé aujourd'hui plusieurs milliers de spécimens sur ce site. On est à peu près à 72 millions d'années, sachant que le Crétacé se termine il y a 66 millions d'années. Donc on n'est pas dans les tout derniers dinosaures, mais on n'en est pas très loin. Qu'est-ce que t'as, rien ? Une moule magnifique. Ah, ouais, super, mais magnifique. Ouais. Oui, parce qu'on trouve aussi des sortes de moules qui vivaient dans la rivière. Et la saga, c'est une des plus belles qu'on ait trouvées. Hein. Ouais, ça faut les garder. Ouais. Il y a la charnière et ouais. Super. Ouais. Dick Lavelle. Je suis à la retraite et j'étais viticulteur. Il faut avoir du flair et une belle vue. À l'époque, 70 millions d'années, c'était comment ? Le paysage, il faut aussi imaginer un paysage très différent, beaucoup plus plat, de grandes plaines parcourues de rivières, avec un climat qui était un peu de style tropical et pas la végétation méditerranéenne qu'on voit ici aujourd'hui. Comment on choisit son endroit ? On trouve un filon et on... Il y a un peu un filon... Et on sait qu'il y a une couche qui fait peut-être un mètre d'épaisseur dans laquelle sont concentrés les fossiles. Donc on ne fouille pas au hasard. Et alors vous, vous êtes étudiant ou vous travaillez ? Moi je suis bénévole, j'habite à Cruzy. Je fais partie de l'association du musée de Cruzy. Alors c'est quoi le matériel que vous utilisez pour faire les fouilles ? Alors on utilise des couteaux à huîtres, des burins, des marteaux et des pinceaux pour nettoyer. Donc c'est un travail... C'est physique, hein. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est un travail assez physique parce que on passe pas mal de temps à chaleur, dans la poussière, à casser des cailloux en réalité. Je peux marcher là sans. Faites attention à ne pas glisser. Là où vous avez un os en cours au dégagement. Nous creusons dans des terrains qui sont déposés dans le lit de rivière. Des rivières qui ont transporté des cadavres de divers animaux qui ensuite se sont trouvés enfouis dans ces sédiments. Et ce sont ces restes d'animaux que nous essayons d'extraire et ensuite de nettoyer au laboratoire avant d'en réaliser l'étude scientifique. Ah, Eric qui a la première. Ah oui, en effet, il est magnifique. C'est un œuf de dinosaure. Ça ressemble à un petit ballon de rugby. Ça ressemble à un petit ballon de rugby. On voit les morceaux de la coquille est un peu cassée, mais on voit que c'est la surface d'origine de l'œuf. Hein. C'est une montée d'adrénaline, hein. Ça donne envie de continuer. Ensuite, Il y a des tas de questions qui se posent autour de ces œufs de dinosaures. Qui exactement les a pondus? Quel type de dinosaure? Parce qu'on n'a pas la mère à côté pour nous expliquer que c'est son enfant. Donc, une autre façon d'identifier, ce serait de trouver un embryon à l'intérieur. Mais ça, c'est extrêmement rare. Et en France, on n'en a jamais trouvé pour l'instant. Alors qu'on a trouvé des milliers d'œufs de dinosaures en France. Ça, il faut le savoir. C'est pas des choses rares. Alors après, vous avez des étudiants là. Bruno Magère. Je suis venu ici parce que je vais faire paléontologue depuis que j'ai 2 ans. Quand j'étais petit, je connaissais le nom des dinosaures, je connaissais pas le nom de mes oncles, enfin, il y a que ça. Et c'est vrai que ici, il y a plein de dinosaures qui sont pas très connus de base, et ça c'est sympa, parce que c'est toujours tyrannosaures, triceratops, diplodocus, les grands américains, mais on oublie qu'en France, on a des très beaux spécimens aussi. On a du rhabdodon, plus loin on a Archovenator, un grand carnivore, on a du ptérosaur aussi, ouais. Ces fouilles nous ont permis de découvrir aussi des choses un peu inattendues, parce que c'est toujours ce que souhaite le paléontologue, c'est de trouver des choses qu'il n'a pas encore dans ses collections. Par exemple, on a trouvé des restes d'un très très gros oiseau, qui était de la taille presque d'une autruche. On l'a appelé Gargantuavis, et c'est une révélation par rapport à ce qu'on imaginait sur le monde des oiseaux à l'époque des dinosaures. Merci Anne-Cécile Perrin. Vous pouvez retrouver ce reportage et d'autres sur le site lejournal.cnrs.fr dont le Temps d'un bivouac est partenaire. Vous trouverez sur ce site une multitude d'articles de vulgarisation en accès gratuit. Jean-Sébastien Steyer, on l'oublie parfois, mais ce qui est devenu la France a été le terrain de dinosaures qui apparemment valent le coup d'œil. Hein. Oui, tout à fait. On a des dinosaures dans différentes régions. Éric Buffeteau fouille en Provence. On a des dinosaures dans l'Aude. On en a en Charente qui sont un peu plus anciens puisqu'ils datent du Jurassique, un petit peu du Crétacé également. On en a en Normandie. On en a un petit peu partout. La France est aussi la terre des dinosaures. Et il y a 72 millions d'années, à quoi ressemblait le décor, la France? Il faut se représenter quel type de paysage? Alors, des terrains, en fait, assez humides, des espèces de grandes plaines traversées par des grands cours d'eau, soit méandriformes, soit en forme de tresses, ou des fleuves un peu plus actifs, en fait, en amont. Mais on était dans des régions plutôt plates, et de temps en temps se déposaient, en fait, certaines carcasses de dinosaures au niveau de barrages sédimentaires naturels, et ça fait la joie des collègues actuels. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on les retrouve enfouis et en relativement bon état de conservation. Alors, on se rend compte que vous arrivez à reconstituer le décor, la forme de ces animaux, même parfois certains modes de vie, et vous avez aussi réussi à reconstituer une bande-son, c'est-à-dire les cris, les rugissements que pouvaient possiblement émettre ces animaux. Comment vous vous y êtes pris pour ça? Est-ce que ça reste un travail scientifique ou est-ce qu'on arrive un peu dans l'hypothétique, dans l'artistique? Alors, on est totalement dans le travail artistique. C'est un projet entre art et science que Raphaël Didjaman, un ami musicien et compositeur, m'a proposé et j'ai tout de suite accepté. Et en fait, je lui ai raconté des épisodes de l'évolution de la vie ou des espèces de reconstitution paléo-environnementale ou de paléo-paysage. Il est venu en plus avec moi sur le terrain. On est parti ensemble au Maroc l'année dernière, pour il s'est inspiré un petit peu de nos méthodes de travail et on en a fait finalement un album qui s'appelle Jurassic Sounds. Et en voici un extrait. Alors le morceau s'appelle Impact, hein, sur cet album Jurassic Sounds. On peut aller sur internet si on veut les écouter tous. Est-ce qu'il y a un fond de vrai? Est-ce qu'on peut imaginer quand même que ça faisait ce bruit-là, un dinosaure? Alors tout dépend de l'espèce de dinosaure, j'ai envie de dire. On est capable de reconstituer certains bruits de dinosaures très particuliers. Je pense au Parasaurolophus, c'est un dinosaure qui a un nom barbare. Notamment parce qu'il a une espèce de crête qui part en arrière derrière la tête. Et on connaît des crânes assez bien conservés qu'on a passés en soufflerie. Et il se trouve que ce dinosaure-là, en tout cas, émettait une sorte de, pas de musique, mais de son qui évoque un peu le trombone. Voilà, donc on sait qu'au moins ça jouait du trombone dans les forêts françaises. Il était en France celui-là ? Non, c'est un dinosaure américain. Américain, évidemment. Combien de temps les dinosaures ont disparu, puisqu'on est dans ces crises d'extinction ? Est-ce qu'on sait combien de temps il a fallu pour que ces dinosaures qui régnaient en maître à ce moment-là, jusqu'à 66 millions d'années, disparaissent pour la plupart, sauf les oiseaux qui sont les descendants d'une lignée survivante. Pour la plupart, les dinosaures ont disparu. Alors, tout dépend des modèles. D'après certains modèles paléoclimatiques, en quelques mois, c'est tous les dinosaures, ou la plupart, hein, puisqu'on met effectivement les oiseaux de côté, sont rayés de la carte. D'autres modèles sont plutôt de l'ordre de l'année ou du siècle, mais ça peut aller très vite. Est-ce que cette fois-ci, les scientifiques ont une idée un peu plus consensuelle ou plus... Voilà, ils tombent plus d'accord sur ce qui s'est passé, sur le scénario des événements. Oui, tout à fait, puisque cette crise-là est aussi beaucoup plus étudiée que la crise Permien-Trias, la plus grande crise en fait d'avant. Du coup, cette crise et cet épisode-là de l'histoire de la vie est mieux cerné. On sait qu'il y a des traps, ces fameuses coulées volcaniques que l'on retrouve aussi à moins 66 millions d'années. Alors cette fois-ci, non plus en Sibérie ou en Chine, mais en Inde. Ce sont les fameuses traps du Deccan qui illustrent encore une fois d'énormes épanchements volcaniques sur la surface. Mais on a aussi un cratère d'impact bien identifié du côté du Mexique. Donc là, ça ne fait pas de doute. Il y a bien eu un impact météoritique. Voilà, c'est une extinction... sélective quelque part, puisque certaines espèces, heureusement, perdurent après la crise, mais c'est une extinction multicause, puisque on a d'un côté les volcans et de l'autre cet impact d'un bolide qui fait à peu près la taille de Paris. Ah oui, la taille de Paris. Et ça a fait ces dégâts-là. Alors, les mammifères, en tout cas, une bonne partie d'entre eux ont survécu. Pourquoi ? En fait, pourquoi ces grosses bêtes, les dinosaures, se sont pris cet astéroïde de plein fouet ? Et les mammifères, semble-t-il, sont passés entre les gouttes. Oui, les mammifères s'en sont très bien sortis. Alors, ils étaient déjà assez bien diversifiés à l'époque des dinosaures. On a souvent tendance à dire que les mammifères... profitent effectivement de l'extinction des dinosaures non aviens pour se développer, mais on oublie souvent qu'ils étaient très bien diversifiés pendant l'époque des dinosaures, dès le Trias, encore plus au Jurassique et au Crétacé. Alors ils occupent des niches écologiques parallèles aux dinosaures, un petit peu plus cryptiques dans le sens où on a beaucoup d'espèces qui sont fouisseuses, on a des espèces arboricoles, on a des espèces nocturnes. Ouais. Cryptiques, ça veut dire qu'elles sont cachées. Voilà, ce sont les personnages secondaires en fait de la grande histoire, oui. Finalement, qui passent au premier plan après l'extinction des dinosaures. Et parmi les survivants de ces mammifères, une lignée va aboutir à une nouvelle espèce qui pourrait être responsable d'une nouvelle grande crise d'extinction. Cette espèce, c'est la nôtre. Nous allons en parler dans un instant. Et puis vous répondrez, Jean-Sébastien Steyer, aux questions que les auditeurs vous ont envoyées. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. We'll be right back. all the strength I had just not to fall apart. I'm trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah. Une reprise, c'était I Will Survive de Cake sur France Inter. Les animaux vont disparaître, il ne restera plus bientôt. En Afrique, c'est de l'hécatombe permanente. Ici, quand je suis venu ici, j'avais une trentaine de nids d'hirondelles. L'année passée, j'ai eu deux nids d'hirondelles et pour la première fois, j'ai ramassé une hirondelle qui était tombée de son nid, qui était tellement, si pauvrement alimentée et grâce au progrès de la science chimique. Il n'y a plus d'oiseaux. Dans ce parc, quand je suis arrivé en 1933, c'était merveilleux. Le printemps, c'était une orgie de chants d'oiseaux. C'était quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et je ramasse chaque printemps des oiseaux morts, tombés du nid, ou des oiseaux adultes qui ont mangé des insectes empoisonnés et qui meurent. La voix de l'acteur Michel Simon en 1965, déjà très inquiet devant la disparition des insectes, des oiseaux. On ne peut pas dire que la suite se soit arrangée. Aujourd'hui, on le dit, les populations d'insectes et d'oiseaux diminuent fortement. Ce ne sont pas les seules espèces à disparaître. Alors, Jean-Sébastien Steyer, est-ce que l'on est vraiment en train de vivre une nouvelle crise d'extinction massive ? Oui, tous les signaux sont au rouge. Tous les collègues écologues, c'est-à-dire spécialistes de l'écologie, le disent, le publient. Il y a des pourcentages d'espèces en péril, 20% en ce qui concerne les vertébrés marins. 100 espèces d'amphibiens ont disparu en moins de 50 ans. 12% des oiseaux en voie d'extinction, 21% de reptiles, etc., etc. La liste s'allonge et on observe, en fait, nous, même si on n'est pas allé à la même échelle de temps que les collègues écologues, on observe quasiment les mêmes coefficients directeurs, c'est-à-dire les courbes de chute de la biodiversité actuelle se rapprochent dangereusement des courbes que l'on a, nous, en ce qui concerne les grandes extinctions du passé de la Terre. On est en train d'avoir sur les écosystèmes le même effet qu'une météorite qui s'écrase sur la planète ? J'espère que ça va prendre plus de temps et qu'on sera capable de répondre à ça. Parce qu'en plus, on le sait. On sait que c'est de notre faute, entre guillemets, c'est l'activité anthropique, en fait, qui génère ces extinctions ou ces déclins, en fait, d'espèces ou de nombre d'individus. C'est à nous aussi, comme le dit très bien Hubert Reeves, d'utiliser notre intelligence de manière intelligente pour réagir le plus rapidement possible et pas à l'échelle de mandat présidentiel ou politique pour limiter en fait la casse. Ouais. La différence, c'est que là, on peut encore dévier l'astéroïde, il n'est pas trop tard pour arrêter la casse. Oui. Des questions d'auditeurs, elles sont nombreuses qui arrivent pour vous. Maëlle vous demande pourquoi les oiseaux et les mammifères ont survécu quand les dinosaures ont disparu. Qu'est-ce qu'ils avaient de plus ? Alors, très bonne question. On pense que les plumes et les poils ont joué sans doute un rôle dans cette survie, en fait, des oiseaux et des mammifères, en sachant que les premiers dinosaures à plumes n'utilisaient pas les plumes pour le vol, mais plutôt pour mieux se réchauffer ou se refroidir en fonction des climats. Mmh. Donc peut-être que si une crise vous passe dessus et que vous êtes emplumé ou si vous êtes à poil, vous avez plus de chances de résister. Voilà, il fallait être emplumé et à poil pour tenir le choc. Coraline vous dit, s'il n'y avait pas eu l'extinction des dinosaures, est-ce que les humains auraient pu se développer et donc cohabiter ? Alors, je ne pense pas. Les primates ne seraient même pas apparus. Donc, il n'y aurait même pas d'humains, en fait, sur la surface de la planète. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'évolution des espèces est tellement, finalement, aléatoire que si on rembobine le film de l'évolution, à moins, par exemple, 2 milliards d'années, on en parlait tout à l'heure, et qu'on clique sur « play », on obtiendrait pas du tout, en fait, les mêmes évolutions et les mêmes formes de vie au cours des temps géologiques. Donc peut-être que la crise d'extinction que nous sommes en train de vivre, si elle se poursuit, alors elle creusera notre tombe à nous, mais d'autres espèces tireront leur épingle du jeu. Oui, d'autres espèces, mais lesquelles, en sachant qu'une majorité disparaîtront. Capta Cabana nous dit, pourriez-vous expliquer que les différentes extinctions qui ont marqué l'évolution de notre Terre, sauf celles d'origine extraterrestre, comme le Crétacé tertiaire, ont été des crises qui se sont déroulées sur le long terme et non en quelques années et qui ont laissé aux animaux et aux plantes le temps de s'adapter? Il me semble qu'on a justement dit l'inverse. Au contraire, ces crises, précisément, s'il y a autant de disparitions d'espèces, c'est qu'elles ne laissent pas aux espèces la possibilité de s'adapter. Oui, c'est une remarque quand même intéressante parce que autrefois, dans l'histoire des sciences, on pensait que les dinosaures s'étaient éteints d'une manière graduelle parce qu'ils étaient lents, stupides et pataux. Et on ne connaissait pas très bien ou moins bien en fait les écosystèmes complexes de la fin du Crétacé. Et donc, on observait une sorte de régression évolutive. Or, on a un scénario complètement différent à l'heure actuelle. Un scénario qui est catastrophiste, c'est-à-dire qui se passe très rapidement à l'échelle des temps géologiques. Ouais, les théories des scientifiques aussi évoluent. Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait découvrir de nouvelles crises d'extinction que l'on ne connaît pas encore, mais qui sont survenues dans l'histoire de notre planète? J'espère tout à fait. Il faudrait plutôt se tourner vers la vie très ancienne, en sachant que la vie est apparue vers, on va dire, 3, 5 ou 4 milliards d'années, et que on n'a pas beaucoup de données, en fait, dans le registre fossile entre cette période-là, très très ancienne, et la première crise connue. Donc, si des crises d'extinction supplémentaires ont existé, c'est quand la vie était sous forme de bactéries vraiment dans le passé antérieur. Sur la période récente, on est sûr de ne pas en retrouver d'autres qui nous auraient complètement échappé. Elles auraient laissé des traces. Elles auraient laissé des traces et on l'aurait déjà observé dans ce qu'on appelle les courbes d'estimation de la biodiversité. Merci Jean-Sébastien Steyer. Alors, je précise que du 21 au 23 novembre prochain se tiendra un congrès sur le temps intitulé Time World à la Cité des Sciences. Vous en êtes l'un des co-organisateurs. La question du temps et de l'évolution, justement, il sera abordé. Et donc, c'est accessible au grand public ? Oui, tout le monde est convié. C'est un nouveau concept, en fait, de congrès à la fois interdisciplinaire, scientifique, grand public, public averti, où des centaines de scientifiques et autres, artistes aussi, viendront parler du temps. Merci Jean-Sébastien Steyer. En deuxième heure, nous devions partir bivouaquer au milieu des loups et des ours avec le philosophe Baptiste Morisot, mais il a raté son train, il en est désolé, et nous aussi, on essaiera de trouver un autre moment pour le recevoir. Mais pour l'heure, nous avions quand même envie de partir sur la piste du loup. Nous vous proposons donc une nouvelle diffusion de notre bivouac avec le cinéaste Jean-Michel Bertrand, qui était venu nous raconter les 3 années qu'il a passées sur la piste des loups dans une vallée perdue des Alpes.